Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, je me trouve aujourd'hui au Théâtre de la Main d'Or pour la séance de dédicace des éditions Contre Culture. Je me trouve en ce moment même avec mon co-animateur Xavier de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Xavier, bonjour à toi. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Alors Xavier, ce que je te propose, c'est qu'on fasse le tour des auteurs et même des lecteurs des éditions Contre Culture, qu'on leur pose quelques questions. C'est parti. C'est parti. Chers auditeurs, je me trouve maintenant avec un lecteur des éditions Contre Culture, Robin. Robin, bonjour. Bonjour. Alors donc vous avez assisté à cette journée de dédicace des éditions Contre Culture. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Déjà on est satisfait de voir qu'il y a beaucoup de monde. Ça réunit beaucoup de personnes. Les personnes ont envie de venir physiquement, se rencontrer, échanger. Ce qu'on peut constater, c'est que ça ramène des gens vraiment de très différents en termes d'âge, de sexe, d'origine sociale, etc. C'est vraiment très divers, très hétéroclite. Les gens sont contents de venir et échanger avec les auteurs. D'accord, alors justement, en parlant des auteurs, vous avez pu parler un peu avec eux ? Oui, j'ai pas forcément eu le temps trop d'échanger avec eux, mais j'ai pu voir que les relations entre les auteurs et leurs lecteurs étaient très courtoises, qu'il y avait vraiment des questions pertinentes, qu'il y avait un échange vraiment amical et direct, qui a l'air de faire plaisir aux lecteurs. Alors vous-même, vous êtes un lecteur de contre-culture, de livres ? Oui, tout à fait. Vous êtes en train de lire quoi en ce moment ? Alors en ce moment, je lis Sociologie d'un dragueur. Ah. Oui, je suis un peu en retard, mais c'est un bouquin que j'aime beaucoup. J'avais lu déjà Comprendre l'Empire, et là je fais plutôt inverse chronologiquement, et c'est un bouquin passionnant, je trouve. Et alors, vous arrivez à appliquer les conseils d'Alain Soral dans votre quotidien ? Ah non, c'est pas du tout cet aspect, c'est vraiment l'aspect, et je le dis vraiment honnêtement, pas forcément évoqué par le titre, mais les relations homme-femme et homme-femme, père-fils, père-fille, fils-mère, etc., qui sont très intéressants. C'est plus psychologique qu'autre chose, plus que sociologique, et c'est très intéressant. Et les prochains livres que vous comptez lire, alors, ce sont lesquels ? Alors, j'aimerais bien lire, ce serait La Révolution Européenne. Ce serait également La Marche Rouge de Marion Sigaud, je pense également. Les Mémoires d'un Magicien également. J'ai pas mal de livres en projet. Après, comme tout le monde, on n'a pas le temps forcément de... Voilà, ça demande beaucoup de temps de lire. Oui, ça demande beaucoup de temps, surtout qu'en plus, c'est des livres, très bien écrits, mais où il faut vraiment être disponible, avoir le temps de réfléchir, de bien comprendre. Pas être fatigué. Pas être fatigué. Et donc forcément ça demande de prendre du temps pour ça, qu'on n'a pas forcément, mais c'est toujours du plaisir quand on en a. Ben Robin, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Et puis à bientôt. Merci. À bientôt. Chers auditeurs, je me trouve en ce moment même avec Momo, donc un lecteur des éditions Contre Culture également. Momo, bonjour. Momo, bonjour. Alors Momo, est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, comment tu as trouvé cette journée ? Moi j'ai adoré cette journée parce que déjà je tiens à féliciter toute l'équipe l'équipe Égalité et Réconciliation d'Île-de-France parce qu'ils ont fait un gros boulot déjà pour organiser cette conférence. Et je trouve qu'il y a eu pas mal de monde comparé aux dédicaces précédentes, donc je suis content. Les auteurs étaient contents aussi, je pense. Il y avait pas mal de queues surtout pour Soral, mais bon, ça se comprend. Moi, globalement, je suis content de la journée. Alors vous, je crois savoir que vous faisiez partie du staff d'organisation, c'est ça ? Oui, c'est ça. Vous étiez où exactement ? Aux ventes de livres. Ventes de livres, et alors quel bilan tirer ? C'était de bonnes ventes ? On n'a jamais autant vendu, là. Parce qu'on avait fait un gros stock de livres, et là, on n'avait jamais autant vendu à n'importe quel autre événement que celui-ci, quoi. Donc c'est bon signe ? Ouais, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt très bon signe, même. D'accord, et les gens étaient contents. Est-ce que ça vous a paru être un lectorat de, d'extrême droite, de fasciste, comme on dit souvent dans les médias. Ah non, j'ai cru que j'étais dans ma cour de récré de Pantin là. Ah non, il y avait toutes les couleurs là. Non, il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y avait pas de nazis, pas de skinhead. Non, faut arrêter ces spéculations, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que vous conseilleriez à nos auditeurs qui peut-être ont peur de se rapprocher de contre-culture et d'égalité et réconciliation, de pas venir aux événements, de peur d'être filmés, de peur d'être repérés, qui sont Peur de... Non, ça rime à rien, faut arrêter d'avoir peur. On a le droit de s'informer, on a le droit de... Et puis faut laisser la peur de côté, j'en ai un peu rien à foutre. C'est pas lire un livre qui va faire que les flics vont nous espionner, je sais pas quoi, faut arrêter cette psychose, les gens sont un peu matrixiés je pense aujourd'hui, hein. À ce niveau-là. Matrixés, bon. C'est-à-dire manipulés. Ouais, ils sont. Ouais, c'est ça. C'est une sorte de paranoïa. Même si c'était vrai, moi je pense qu'il faut lire, faut combattre. Après ça rejoint un peu le discours final de Alain Soral. Ouais, le discours final du président, ouais. C'est un peu ça. C'est ça, il disait en substance que. Il ne fallait plus avoir peur. Ouais, exactement. Bah, je pense que toi, Vincent Lampierre, tu l'illustres bien. D'ailleurs, je te félicite pour ça. Parce que merci. Rien qu'au procès, etc. Non, franchement, j'adore. Continue comme ça, d'ailleurs. Bah, merci beaucoup, Momo. Et puis, bah, toi aussi, continue bien à lire et à nous aider au sein d'Égalité et Réconciliation. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Marion Sigaud, bonsoir. Bonsoir. Alors, on a assisté tout à l'heure à votre mini-conférence, oui, pour la séance de dédicace contre culture. Comment ça s'est passé pour vous ? Mais moi, je n'ai pas arrêté de signer, donc je voyais pas la foule. Je sais simplement qu'il y avait toujours un livre qu'il fallait que je dédicace sur la table, donc je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés. Je suis vraiment agréablement surprise. Enfin, c'est pas vraiment surprise, mais je veux dire, je vois que l'estime que j'ai réussi à acquérir auprès du public de R se confirme et je suis vraiment heureuse, quoi. Je suis heureuse parce que ça veut dire atteindre le public sans la publicité, sans les compromissions, sans ce système merdique abominable qu'a pas voulu de moi et dont je me passe. Je trouve ça merveilleux, quoi. Donc éditer vos livres chez la maison d'édition Contre-Culture a été quelque chose de positif pour vous ? Ah bah complètement. Ah non, c'est mieux que positif. C'est un tournant dans ma vie. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence. Quand j'ai connu ER, quand j'ai rencontré Alain et que j'ai commencé à travailler avec l'équipe, j'ai perdu le sommeil pendant 6 mois. J'avais perdu l'habitude que ça marche. Je ne savais pas que ça pouvait marcher pour moi. J'avais une petite flamme qui me disait que ce que je faisais était bien et qu'un jour, peut-être, ça allait s'arranger, mais j'y croyais plus vraiment, quoi. Parce qu'il faut rappeler à nos auditeurs que vous écriviez avant d'éditer chez Contre-Culture. Ah, mais j'ai écrit pendant 30 ans, moi. Je trouvais toujours des éditeurs parce que j'écris bien et que j'avais des sujets intéressants, mais j'étais jamais relayé. Et un auteur qui n'est pas relayé, c'est un auteur qui ne trouve pas ses lecteurs. Un auteur qui ne trouve pas ses lecteurs, c'est un auteur qui s'enfonce, qui sombre, qui... J'ai jamais sombré, parce que je pense que j'étais plus forte que ça. Puis je pense que j'ai une espèce de niaque et d'amour de la vie qui a été plus fort. Mais vraiment, quand j'ai rencontré... quand j'ai contacté Alain, parce que c'est moi qui l'ai contacté, 15 jours avant, j'ai cru que c'était foutu, quoi, que j'avais raté ma vie. Je crois que non. Je crois que non. Et là, donc, la maison d'édition Contre-Culture réédite l'un de vos ouvrages, voilà, c'est La Marche Rouge, oui, qui est le dernier donc en date sorti, oui, mais pas le dernier que vous ayez écrit. Non. Le dernier livre que j'avais écrit au moment où j'ai rencontré Alain, c'était aux éditions de Bourgogne, Le mystère du tableau de David, qui est devenu La mort du roi et les secrets de Saint-Fargeau. Mais pas, pour celui-là comme pour les autres, jamais la presse ne m'a relayé. Et quand vous arrivez chez un éditeur que vous dites, voilà, j'ai écrit 5 livres, 6 livres, 7 livres, 8 livres, on n'a jamais entendu parler de vous, non, bon, bah, il dit elle est maudite et puis on passe à autre chose. Donc j'étais dans une spirale descendante. J'étais comme aspiré vers la catastrophe, quoi. Et voilà, c'est... Alors, pour parler rapidement de la Marche Rouge, donc vous parlez dans ce livre de l'affaire du siècle, ce que vous appelez l'affaire du siècle, ah, oui, c'est-à-dire oui, oui. Le trafic d'enfants auquel se livrait l'hôpital général créé sous Louis XIV. Est-ce voilà. que vous pouvez, s'il vous plaît, pour nos auditeurs, rappeler rapidement, résumer votre livre, votre pensée ? Il y a deux choses qu'il faut comprendre. J'ai étudié l'hôpital général, institution de secours pour les enfants, enfin pour les pauvres, d'une part, et d'autre part, un événement qui, en 1750, semble n'avoir aucun rapport, mais qui en a un quand même, c'est des enlèvements d'enfants dans la rue par la police. Il n'y avait a priori pas de rapport entre des enlèvements d'enfants dans la rue par la police et une institution de secours des pauvres qui, au moment, au mi-temps du siècle, à peu près à la même période, se met en grève et refuse d'obéir au roi. Les directeurs de cette institution, qui sont des magistrats, décident un jour, par désobéissance au roi, d'arrêter de faire la grève, d'arrêter les donations. Il était à un moment donné question de fermer l'établissement, quoi. Donc l'affaire du siècle, c'était cette grève des magistrats qui est allée jusqu'à faire grève de la justice. Pourquoi ? Parce que le roi avait nommé l'archevêque de Paris pour aller regarder ce qui se passait à l'hôpital. Donc le roi, qui est informé de plaintes pour des malversations et des violences à l'hôpital, demande à l'archevêque de Paris, qui y siège de droit, d'aller voir ce qui se passe, et la magistrature se met en grève. Et les donateurs qui envoient de l'argent pour l'institution arrêtent d'en envoyer. C'est monstrueux, qu'est-ce que ça cache ? Qu'est-ce que ça cache ? Et au même moment, on enlève des enfants dans les rues. C'est une histoire invraisemblable que, bien sûr, personne n'est allé étudier comme je l'ai fait, parce que les gens n'en avaient pas l'intuition, et puis parce que beaucoup de gens ont suivi ce que disait Voltaire. Voltaire, il disait que c'était des fanatiques. Ben évidemment, quand Voltaire dit quelque chose, Voltaire, il dit que c'était un archevêque fanatique qui voulait aller empêcher des braves magistrats de faire leur travail. Michelet a repris. Michelet, qui est un menteur patenté, a dit... la magistrature faisait bien son travail et le roi a voulu donner tout ça aux prêtres et à l'église et tout. C'est complètement faux. Donc moi, ce que j'ai compris, c'est que ce qui se passait à l'hôpital général, c'est qu'il y avait des trafics d'enfants, ça je l'ai mis à jour, et que quand le roi a voulu que l'archevêque aille y mettre de l'ordre, la panique a pris les administrateurs parce qu'ils ont eu peur qu'on découvre ce qu'il y avait à découvrir. Et pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, au même moment, on enlève des enfants dans les rues ? Eh bien, apparemment, il n'y a pas de rapport entre ceci et cela, sauf que, au même moment, la nouvelle administration vient d'être nommée à l'hôpital général, et vraisemblablement, un flux d'enfants en direction de on ne sait pas trop quoi a risqué d'être tari, et la police s'est mise à enlever les enfants dans les rues. Les parents se sont révoltés, ça a été d'une violence inouïe. Inouï. Les parents ont récupéré leurs enfants manu militari. Ils ont brûlé des commissariats. C'était d'une violence inouïe. Le roi Louis XV a perdu l'amour de la patrie à ce moment-là. Alors, il y en a qui disent qu'il a perdu l'amour de la patrie parce que les gens ont eu vent qu'il couchait avec des gamines qui n'avaient pas l'âge. Mais moi, je pense que ce n'est pas uniquement ça. C'est que quand la police a enlevé... Je ne pense pas que c'était un ordre du roi. Mais quand la police s'est mise à enlever les enfants dans les rues, le roi aurait dû, en laissant la justice, parce qu'il y a eu des morts, hein, les parents ont tué des enleveurs d'enfants, la justice aurait dû faire son travail en condamnant gravement des gens qui avaient tué des policiers. Mais le roi aurait dû faire grâce, et le roi n'a pas fait grâce. Il n'a pas fait grâce, il n'a pas voulu prendre le parti du peuple alors qu'on avait touché à ses enfants. Et quand on touche aux enfants du peuple, il faut s'attendre au pire. Et le roi Louis XV l'a compris trop tard. Marion Sigaud, merci beaucoup. Alors on recommande à nos auditeurs, bien sûr, la lecture de ce nouvel ouvrage. Mais également, est-ce que vous êtes en train d'écrire un livre actuellement ? Oui, je suis en train de terminer la rédaction du livre que j'ai entamé sur la Régence, qui a fait l'objet de 4 vidéos. Et ces 4 vidéos vont être mises en... Enfin, ont été l'objet d'une recherche qui va aboutir à un livre qui sera l'opus numéro 4 des manuels d'histoire de Marion Sigaud. Et ça, c'est pour bientôt, en principe. Très bien. Bah, écoutez, Marion Sigaud, on va suivre ça avec attention. Merci beaucoup. Hein. Merci. Puis bon repas à vous. Merci. Chers auditeurs, je me trouve actuellement avec Alimoudine Ousmani, un journaliste suisse qui travaille pour donc un journal qu'il a lui-même créé, la Pravda, c'est ça ? Alors c'est Joseph Navratil qui a créé la Pravda.ch et je me suis associé à lui, oui. D'accord. Et alors Alimoudine, vous avez écrit un ouvrage avec Gila Tatzmon, enfin c'est une interview, c'est ça ? Un entretien que vous avez eu avec Gila Tatzmon. C'est du tribalisme à l'universel, disponible sur le site contreculture.com. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous résumer un peu votre relation avec Gilad, puisqu'il est aujourd'hui présent pour la séance de dédicace d'édition Contreculture. Votre relation avec lui, comment ça s'est passé, comment vous avez travaillé avec lui ? Alors, j'ai toujours beaucoup de plaisir à voir Gilad. Donc, je l'ai découvert grâce à ER, à Alain Soral, qui a tout de suite décelé son talent d'analyse. Et donc, une fois, Gilad Asmon est venu à Genève donner une conférence et j'ai publié deux entretiens avec lui sur égalité et réconciliation. Et je me suis dit que ça pourrait être... on pourrait prolonger son travail de réflexion en faisant un livre avec lui, en faisant plusieurs entretiens en une année. Et il a tout de suite accepté, de même que Contre-Culture. Donc c'est le résultat d'un an de travail avec Gilad. D'accord. Et donc ça a donné lieu à un livre dans lequel Gilad critique avec beaucoup de virulence le communautarisme juif. C'est ça, vous-même vous l'interrogez à ce sujet à plusieurs reprises. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous résumer en quelques mots la pensée de Gilad Atzmon à ce sujet, précisément? Alors, on a traité plusieurs sujets, notamment la Palestine. Et moi, je trouvais intéressant de l'interroger sur quelques faits divers qui sont survenus en France, notamment la persécution par un certain lobby de Dieudonné et d'Alain Soral. Et on a... grâce à Gilad, on a un regard extérieur et on arrive à mettre un visage à cette persécution. On comprend pourquoi et de quelle manière le lobby juif fonctionne. Vous, en tant que journaliste suisse, comment vous voyez les choses? Comment vous percevez ces persécutions dont vous parlez justement? Est-ce qu'en Suisse, c'est pire? Est-ce que vous avez... En tant que démocratie directe, théoriquement, vous avez plus de moyens de lutter contre. Expliquez-nous un peu votre vision des choses en tant que Suisse. Alors, je ne dirais pas que c'est pire. En Suisse, bon, il y a un lobby qui s'appelle la CICAD, qui en gros fait un peu le même boulot que le CRIF, mais ils n'ont pas autant de moyens. Je dirais qu'ils ne sont pas encore infiltrés au cœur du pouvoir. En France, le CRIF est totalement lié au gouvernement français successif, tandis qu'en Suisse, c'est un pouvoir plus décentralisé. Les choses sont un peu plus apaisées en Suisse. Évidemment, ce lobby, la CICAD, agit quand Dieudonné donne des spectacles en Suisse. Alors, il est là. Vous-même, vous êtes victime de persécution d'une certaine manière ou pas? Pas encore. Bah écoutez, la CICAD, je travaille pour un... Enfin, j'écris parfois dans un journal qui s'appelle le GHI, et je sais de sources sûres que la CICAD a appelé mon employeur pour dire qu'elle ne répondrait pas à mes interviews à cause de mon travail soi-disant militant. Le fait que je puisse continuer à publier dans le GHI montre que le lobby pro-israélien n'est pas aussi fort qu'en France, parce qu'en France, je pense que j'aurais été interdit de publication. D'accord. Ali Moudine Ousmani, on rappelle à nos auditeurs donc, que vous avez écrit un ouvrage du tribalisme à l'universel. Donc, c'était un entretien avec Gilad Atzmon. On vous souhaite beaucoup de courage pour la suite, notamment dans votre travail de journaliste en Suisse. On espère que la situation ne va pas se dégrader. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui au Théâtre de la Main d'Or pour cette séance de dédicace. Et puis, bonne chance à vous. Bah, je vous remercie. Alors. Nicolas, bonsoir. Bonsoir. Alors, comme de nombreux lecteurs des éditions Contre-Culture, tu as assisté à cette séance de signature organisée au Théâtre de la Main d'Or. Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai pensé qu'il y avait beaucoup plus de monde que les dernières fois. Qu'il y avait, mine de rien, il y avait beaucoup plus de participants. Ce qui est assez étonnant parce que on a passé le gros coup de pub, malgré eux, hein, des médias, lors de l'affaire Dieudonné, où on a beaucoup entendu parler de Sora, il y avait eu des reportages sur Canal+, etc. Et on se souvient à l'époque en tout cas d'un afflux assez énorme de personnes, parce que mine de rien ça avait fait de la pub, même si c'était pour dénigrer le mouvement, hein, ça avait quand même fait de la pub. Et là on est passé, moi je remarque ça hein, depuis plusieurs mois, presque peut-être un an maintenant si on les tire, sur une mise au silence dans les médias, enfin il y a un vrai silence sur la mouvance égalité et réconciliation, sur Alain Soral. Donc malgré ce silence, de temps en temps un article, un petit article pour dire Alain Soral au fait il s'est fait condamner, mais juste des petits articles comme ça, plus de vraies enquêtes, etc. Il y en a beaucoup moins. On est passé sur les moments Street Press et tout, ça fait plusieurs mois que c'est fini. Bah, malgré ça, et bah, énormément de monde à la séance de dédicaces, une queue sans fin pour les dédicaces des livres d'Alain Soral. Donc, mine de rien, une popularité bah, en fait, qui est toujours là. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas assez... Je suis pas assez en retrait, enfin j'ai pas assez de recul pour voir si elle grandit ou si elle recule, mais en tout cas toujours présente. Donc ça fait plaisir et on voit que le mouvement ne dégonfle pas, quoi, loin de là. Et alors sur ce lectorat en particulier, qu'est-ce que tu pourrais dire pour les gens qui n'y étaient pas et qui ne... En fait, ce qui serait intéressant c'est, pour cette question, c'est vraiment d'être confronté à une personne. Bon, t'essayes de faire un peu de jouer un peu ce rôle, mais qui s'imagine ou en tout cas qui fantasme le lecteur de contre-culture, c'est-à-dire la personne qui va acheter la question juive de Karl Marx, qui va acheter le bouquin de Bardèche sur Nuremberg, et cette personne-là physiquement à quoi ressemble. Il y a beaucoup de gens effectivement j'en rencontre dans mon quotidien et qui fantasment sur le gars un peu replié sur lui-même, qui a découvert Alain Soral sur internet et qui devient fou et qui se met à détester les juifs. En fait, on se rend compte que c'est un sujet, mine de rien, qui est toujours dont on peut parler librement avec les lecteurs de contre-culture, mais qui revient pas tout le temps. C'est des gens qui sont intéressés en fait de partout, par le contexte géopolitique global, bien entendu. Souvent, ils accèdent à contre-culture et à égalité et conciliation, de façon plus générale, par des questions d'ordre politique. Mais c'est des gens aussi qui s'intéressent à l'histoire, qui viennent voir les bouquins de Marion Sigaud, à des questions scientifiques, de transhumanisme, anthropologique avec Lucien Cerise, ou des questions même d'ordre sanitaire, Claire Sévrac, de culture, de bien-être, avec des bouquins sur l'agriculture rurale. Enfin, il y a vraiment une multitude de sujets. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, les lecteurs de contre-culture, je ne veux pas faire une topologie, je ne veux pas faire un panel de savoir s'il y a tant de noirs, tant d'arabes, etc. Il y a tout, ça, si on peut dire, c'est qu'il y a tout. Ce n'est pas ça qui m'importe. Ce qui m'importe, je m'en fous en fait, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs. C'est intéressant quand même de voir les origines sociales, mais c'est de voir à quoi ils s'intéressent. Et en fait, ils s'intéressent à tout. C'est ça qui est intéressant. Et ils ne s'intéressent pas simplement, comme on pourrait croire, aux juifs ou aux sionistes. Non, ils s'intéressent à tout, même à la philosophie, à des concepts, à l'histoire, à comment ça a pu se passer dans le passé, comment ça se passe maintenant et comment ça... À la santé. Oui, voilà, je l'ai dit, à la santé, à la nutrition, au bien-être. Il y en a qui s'intéressent vachement aux méthodes de survie. Voilà, il y a vraiment une multitude de sujets. Donc c'est, en fait, c'est des gens qui sont curieux. C'est ça, en fait, les lecteurs de contre-culture. C'est des gens qui sont curieux. Et toi-même, Nicolas, tu lis des livres, j'imagine. Qu'est-ce que tu lis en ce moment ? En ce moment, alors moi, je suis un assez mauvais élève parce que j'ai beaucoup de bouquins contre-culture, mais je les lis pas forcément. Je lis pas mal de livres à côté parce que j'élargis, mais ça rentre en condition. En ce moment, je lis un bouquin sur le siège de Leningrad. Voilà, de 41 à 42. C'est-à-dire que toi, c'est un geste plus pour soutenir ? Oui, oui. Non, mais j'en ai lu. Hein. J'ai lu bien évidemment des livres contre-culture. J'ai lu pas mal de livres de Marion Sigaud, j'ai lu bien sûr beaucoup de livres d'Alain Soral, j'ai lu des livres aussi qui sont chez Contre-Culture, mais je les ai lus dans d'autres éditions. En fait, ce qui est intéressant chez Contre-Culture, c'est la diversité. Donc je peux m'intéresser à tout. En fait, c'est ça qui est génial à Contre-Culture, c'est qu'on peut lire sur tous les sujets. La ligne de la maison d'édition, c'est quand même la recherche de la vérité, quoi, de au moins un peu ce qu'on nous cache, ce qui est méconnu, mais sur tous les sujets. Donc je lis en fait un peu de tout chez Contre-Culture. Je peux passer effectivement d'un Marion Sigaud à un Ezra Pound, parce qu'il y a aussi des auteurs, des grands auteurs du passé, assez méconnus, hein, mais à du Bardèche, du Georges Sorel. On peut vraiment, aller loin, quoi, et du Marx, et que la question juive, il y a plein de choses. Bah, Nicolas, merci beaucoup. Je te laisse poursuivre ta soirée. Bah, merci à toi, et puis longue vie à ER. Lucien Cerise, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes venu, comme d'autres auteurs contre-culture, à cette séance de dédicace organisée par les éditions Contre-Culture au Théâtre de la Main d'Or. On vous a entendu tout à l'heure dans une brève allocution. Comment vous résumeriez cette journée ? C'est fort sympathique. Hein. Bon, ça permet de rencontrer les lecteurs. Enfin, parfois, ils n'ont pas lu le bouquin, mais bon, peu importe. Enfin, je veux dire, s'ils l'achètent pour le faire dédicacer, c'est qu'a priori, il y a un intérêt. C'est à la limite, je préfère rencontrer les lecteurs directement comme ça autour d'une table pendant que je fais une dédicace parce que bon, je suis en contact direct avec ce que pensent les gens. C'est vrai que bon, dans les conférences ou les choses un petit peu générales quand on est sur une scène face à un public, bon, on a l'impression de parler à un mur ou de parler dans le vide, enfin d'envoyer une bouteille à la mer. Parce que bon, les gens réagissent pas directement, ou alors bon, il y a des questions évidemment toujours, mais c'est toujours on n'a pas le rapport à la problématique des gens, enfin un rapport direct à la problématique des gens. Or bon, il se trouve que bon, moi j'ai rien à dire personnellement, j'ai plus une mentalité de consultant, quoi, c'est-à-dire que bon, vous avez un problème, j'ai votre solution, quoi, et je suis pas vraiment dans la harangue d'une foule, enfin c'est pas ma manière de fonctionner. Donc toutes les situations de conférence ou de un peu sur comme ça où je m'adresse à un public, c'est pas que je suis mal à l'aise ou que je suis timide, c'est pas ça, c'est que spontanément j'ai du mal en fait à savoir ce que les gens veulent, ce que veut le public. Or quand on est dans une relation comme ça individualisée avec des lecteurs de votre livre ou un public qui avec lequel vous pouvez parler, eh bien là on est dans une relation concrète, hein, et on peut avoir une discussion à mon avis plus intéressante, hein. Donc je suis toujours très content de faire des signatures de livres, plus content de faire des signatures de livres que de faire des conférences par exemple, parce que bon là j'ai 50 personnes devant moi, bon, et je dois essayer de trouver une moyenne, et j'ai toujours l'impression d'échouer, enfin, c'est-à-dire en fait de ne pas réussir à toucher la cible, vous voyez ce que je veux dire, hein. Bien sûr. Là en l'occurrence l'ouvrage que vous dédicaciez, c'est l'ouvrage qui est sorti dernièrement chez Contre-Culture, Neuropirate. Oui. Comment ce livre a-t-il été accueilli par les lecteurs de Contre-Culture et d'Égalité et Réconciliation plus généralement? J'ai pas vraiment de chiffre de vente, hein, parce que bon, ça c'est un critère quantitatif objectif, hein, voilà. Enfin bon, je sais que fin février, il est sorti début février, fin février, il y en avait 550 qui étaient partis. Ensuite en mars, en moins d'un mois, 550. Hein, donc j'ai déjà vendu plus que Manuel Valls ou Jean-Christophe Cambadélis. Hein. Et ensuite, en mars, j'ai appris qu'il y avait un deuxième tirage prévu. Donc ça veut dire que, comme le premier tirage était de 1000 exemplaires, donc ça veut dire que 1000 exemplaires étaient partis en mars. Et apparemment, donc bon, bah, ça continue, quoi. Donc là, pour ce qui est des chiffres de vente, c'est tout à fait correct et même enviable. Et puis ensuite, bon, bah, les retours que j'ai justement autour d'une table, que ce soit la librairie Facta ou aujourd'hui au Théâtre de la Main d'Or, sont effectivement chaleureux et très très sympathiques. Hein, voilà, donc c'est vrai que bon, pour ce livre-là, je joue le jeu un peu, hein, de la médiatisation, ou du moins de ce que je n'avais pas fait pour d'autres livres, hein, soit parce que je ne voulais pas. Hein, pour gouverner par le chaos, bon, j'estimais que bon, je comptais sur le bouche à oreille, hein, mais pour que ça se vende, mais le bouche à oreille n'est jamais suffisant. Hein. Il faut à un moment ou à un autre s'avancer dans la lumière. Mais bon, pour gouverner par le chaos, c'était combiné avec le côté hommage au comité invisible aussi, donc rester dans l'invisibilité. Bon, j'avais plusieurs raisons pour ne pas assumer de campagne promotionnelle. Bon, là, j'ai décidé finalement, comme le bouche à oreille ne marche pas, bon, bah, c'est tout, voilà, là, je joue le jeu, hein, effectivement, des signatures et des conférences. Voilà, et bon, bah, les retours des lecteurs sont tout à fait intéressants, quoi, parce que qu'est-ce qu'on me dit, c'est que j'arrive bien à vulgariser les choses. C'est ça, c'est un livre qui est didactique, bien écrit. Ouais. Et c'est moi ce que j'ai entendu, hein, des retours des lecteurs. Alors j'avais une question à vous poser à ce propos, ou plus largement. Est-ce que selon vous, Contre-Culture, les livres édités par Contre-Culture et Égalité et Réconciliation représentent l'antidote, le contrepoison dans cette société à la dérive. Ou comme vous diriez-vous, l'antivirus. Oui. Bah, c'est bon. De toute façon, bon. Voyons les chiffres de vente. Hein, je veux dire, les maisons d'édition s'intéressent à contre-culture. Précisément parce que contre-culture vend beaucoup. Si ça vend beaucoup, c'est parce que ça trouve un lectorat, parce qu'il y a un écho. Hein, ce que contre-culture publie, bah, correspond à une attente. Hein. Voilà, c'est mécanique. Hein, je veux dire, si contre-culture ne répondait pas à une attente, contre-culture ne vendrait rien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc bon, des grosses boîtes comme Flammarion ou Gallimard vendent peu aujourd'hui, vendent pas rien, mais bon, parce qu'il y a aussi ils ont des réseaux, mais quand on regarde les chiffres de vente, hein, c'est quand même c'est faiblard par rapport à la surface médiatique dont ils disposent et par rapport à la réputation. Hein. Bon, là, avec une réputation, je dirais, assez merdique, contre-culture arrive à vendre plus que certaines grosses boîtes qui sont dans la place depuis des dizaines d'années. Voilà, donc bon, c'est bien la preuve que ça répond à une vraie attente du public sur les contenus, sur ce qui est dit, hein, le fond, hein, et pas seulement la forme. Parce que, bon, voilà, ça, c'est un peu la perception que j'ai. Et dites-nous, Lucien Cerise, est-ce que vous avez un livre en préparation actuellement ? Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler ou est-ce que ça reste encore un projet confidentiel ? Oh, bah, en faisant des recherches sur l'Euromaïdan, donc le coup d'État en Ukraine, bon, j'ai trouvé en plus pas mal d'informations que j'ai archivées sur l'OTAN, hein, sur d'autres sujets annexes, etc. Enfin, tournant autour des révolutions colorées, enfin des notions, des concepts de révolution colorée, enfin et puis des événements dits révolution colorée, la guerre hybride, hein, qui est la nouvelle forme de guerre lancée par l'OTAN. La guerre hybride, en quelques mots, si vous pouviez nous. C'est c'est la guerre par des moyens autres que conventionnels. C'est-à-dire, en fait, c'est la guerre dans tous les domaines. C'est la guerre. Enfin, c'est une combinaison. Par exemple, ce que l'OTAN fait par rapport à la Russie ou à l'Eurasie, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une attaque en full spectrum, comme diraient les Américains. C'est en fait, c'est tout le panel, hein, tout le spectre des champs sociaux, socio-économiques, hein, qui sont attaqués. Donc, il y a du paramilitaire, il y a du militaire conventionnel, hein, aussi, mais bon, qui pour l'instant n'est pas encore trop utilisé, parce que sinon, après, c'est une déclaration de guerre officielle. Donc là, en fait, la guerre hybride, c'est une manière de faire la guerre de façon indirecte. Donc, on utilise les moyens conventionnels pour faire peur. Hein, donc, on prépositionne des troupes. Par exemple, bon, l'OTAN prépositionne des troupes aux frontières de la Russie, hein, histoire de la mettre sous pression, mais envoie aussi des bateaux ou des sous-marins dans le Pacifique, hein, au plus près de la Chine. Voilà, tout ça pour exercer une pression psychologique. Et ensuite, en revanche, on attaque là directement avec les paramilitaires, hein, les néo-nazis en Ukraine, les djihadistes en Syrie, par exemple, et qui en plus se rencontrent, hein, et se sont combinés, quoi. Et puis aussi donc les sanctions économiques, et puis le soft power, hein, donc la guerre culturelle. Voilà, donc c'est en fait une attaque dans tous les domaines de l'existence. Tout est attaqué, voilà. C'est ça, en fait, la guerre hybride, en fait, la définition. Parce qu'il y a des définitions qui ont été données par des gens de l'OTAN, hein, ou des Américains. Bon, mais là, de mémoire, là, c'est ce que je peux restituer. Donc c'est assez passionnant, hein, puisque finalement, bon, ça permet de mettre un nom aussi sur ce que nous vivons en France, hein, puisque nous sommes attaqués aussi dans tous les domaines. Psychologique, hein, on le sent bien, économique, etc., etc. Donc en fait, bon, y a un axe comme ça, Washington, Bruxelles, Tel Aviv, qui mène sa guerre hybride contre les populations qu'elle domine et contre les territoires qu'elle aimerait conquérir, qui commencent en gros avec la Biélorussie, puis la Russie derrière, puis en fait tout le continent eurasiatique. Donc bon, là, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Sur les révolutions colorées aussi, il y a pas mal de choses à dire. Et donc, bon, bah, l'Euromaïdan est en fait un fil conducteur assez idéal parce qu'on a tout le spectre des nuances, hein, de la révolution colorée à la guerre hybride, etc., etc., en passant par la guerre de quatrième génération, etc., etc. Donc, je suis en train d'écrire quelque chose là-dessus. Voilà. Sachant que le 7 avril, l'Assemblée nationale vient de voter la réadhésion au protocole de Paris, c'est-à-dire l'autorisation donnée à l'OTAN de réinstaller des contingents militaires. Donc là, en fait, voilà, donc nous allons avoir des bases de l'OTAN en France. Là, c'est le gouvernement socialiste qui a fait voter ça. Il y a eu quelques réactions hein, au Parlement de Thierry Mariani, Bernard Debré, François Asensi, enfin un membre du... Enfin, en gros, il y a eu quelques réactions de gens de l'UMP, enfin des Républicains, pardon, valables. Quelqu'un du Parti communiste aussi. Bon, là, on voit que, effectivement, en gros, c'est le CNR quoi, qui s'est exprimé contre ce projet. Donc de réinstaller tout simplement des bases de l'OTAN, d'installer plutôt des bases de l'OTAN en France. Sachant que De Gaulle nous avait fait sortir du commandement intégré en 1966. Sarkozy nous y a fait revenir en 2009. Et là, on franchit encore une étape. On franchit encore une étape qui est l'alignement sur l'Allemagne ou l'Italie, c'est-à-dire la légalisation du stationnement de troupes étrangères sous pilotage de l'OTAN en France, sur le territoire français. Donc là, nous venons de franchir une nouvelle étape. Bon, quand on combine tout ça avec ce qui se passe en Ukraine et dans les États baltes, on peut effectivement décemment penser que quelque chose se prépare en termes d'attaque de la Russie, quoi, direct, là. Et là, pour le coup, conventionnel. Donc ça veut dire, en fait, conflit nucléaire, hein, faut pas se leurrer, quoi. Donc bon, voilà, je pense qu'il faut alerter la population et il faut se préparer à ça. Bon, Et toutes ces grandes lignes que vous venez de tracer vont donner lieu donc à un ouvrage que vous êtes en train d'écrire, c'est ça, pour les éditions Contre-Culture ou pas forcément? Il y a déjà une option prise par le retour aux sources hein, pour voilà. Donc, okay, écoutez Lucien Cerise, merci beaucoup. On va suivre votre actualité de près et on informera nos auditeurs de toute votre actualité justement. Avec plaisir, oui. Voilà. Merci beaucoup Lucien. Merci. Quentin Marie, bonsoir. Bonsoir. Alors, tu as assisté tout à l'heure à la séance de dédicace des auteurs contre culture. Comment tu as trouvé la journée ? Très bien, très rempli. Il y avait beaucoup de monde. C'est assez rare qu'on fasse autant de personnes. Ça s'est très bien passé. L'organisation s'est très bien déroulée. Je crois que tu avais un mot à faire passer à l'équipe d'organisation de... Oui, je voulais remercier déjà toute la section Île-de-France qui a fait un travail formidable. Je voudrais remercier Jean-Marie, le chef de la section Île-de-France, qui a bien organisé l'événement et qui s'est très bien passé encore une fois. Je voudrais remercier François-Xavier, le chef du pôle Action Propagande, qui a vraiment motivé ses troupes et encore une fois qui ont bien bossé. Et je voudrais remercier encore une fois le président Alain Soral qui était là et qui nous soutient et qu'on soutient de tout cœur, inconditionnellement. Voilà. Si tu avais un mot à faire passer aux auditeurs de RFM, qu'est-ce que tu dirais ? Je dirais qu'on a un message simple, c'est lisez des livres, faites pousser vos carottes et faites des choses au lieu de les dire. Voilà. Très simplement. Quentin Marie, merci beaucoup. Je t'en prie. Bonne soirée à toi. Bonne soirée. Claire Sévarac, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez présenté votre livre aujourd'hui à la séance de dédicace des éditions Contre Culture. Comment s'est passée cette journée ? Super, parce que je trouve que c'est vraiment important d'avoir un dialogue avec les gens. C'était pas une conférence, c'était un dialogue ouvert avec les gens qui étaient là et qui posaient des questions. Moi, j'ai étudié pendant 3 ans l'enquête sur mon dernier bouquin et là, c'était les questions spontanées des gens et ça permet de répondre et je trouve ça très important. Donc votre livre « Guerre secrète contre les peuples », je rappelle, disponible aux éditions Contre-Culture. Quel accueil a eu votre livre auprès du public Contre-Culture ? Quels échanges vous avez avec Alors, Contre-Culture, c'est déjà la crème, parce que c'est pas pour passer de la pommade, mais ce sont des gens qui sont déjà au courant de beaucoup de choses, donc on n'est pas obligé de start it from scratch, comme on dit en anglais, de commencer tout au début. Ils sont déjà au courant de beaucoup de choses, donc ça permet de lancer le débat à un niveau un petit peu plus haut. Mais ouais, c'est très agréable, parce que oui, l'accueil a été bon, parce que ils sont au courant déjà de plein de choses qu'ils peuvent voir, dont ils sont conscients. Et mon enquête de 3 ans m'a permis de leur donner des réponses aux phénomènes qu'ils voient et dont ils sont conscients. D'accord. Et donc, vous avez signé des ouvrages ? Ouais. Vous avez eu un bon contact avec les... Toujours un bon accueil ? Bah oui, bien sûr, parce que c'est très amical et c'est très... Ce sont des gens qui sont en recherche et qui sont amis. Ce sont des camarades. C'est-à-dire exactement à l'opposé de l'image que, veulent donner les médias aux lecteurs des éditions Contre-Culture. Ouais, mais est-ce que c'est important ? Enfin, je veux dire, à partir du moment où on dit autre chose que le politiquement correct, c'est-à-dire les mensonges et hontés des cartels et des pouvoirs dans ce pays, j'ai honte d'être française. Dieu merci, je suis basque. Mais je veux dire, c'est une honte dès qu'on essaye de... Normalement, la science, c'est justement le fait de remettre en question continuellement tout. Et là, on vit maintenant depuis quelque temps dans un pays où on ne peut plus rien remettre en question. Sinon, on est... Alors, dans l'ordre, on est complotiste, ensuite on est antisémite, ensuite on est fasciste, et ensuite, éventuellement, islamophobe et homophobe. Même si on parle des vaccins ou si on parle du climat. Donc, personnellement, j'en ai plus rien à foutre de ce qu'on peut dire. Je pense que la recherche de la vérité, c'est ce qui devrait nous occuper tous, humains. Sauf que les gens qui sont au pouvoir sont des gens qui en croquent et qui n'en ont rien à faire de notre... Contrairement à ce qu'ils disent, hein. Parce qu'ils viennent tous à la télé, ils veulent tous être candidats, pas par ambition personnelle, hein, juste parce qu'ils voient les Français qui souffrent. Mais les Français qui souffrent souffriraient moins si on leur disait la vérité. Alors disons-le, Claire Sévrac, votre livre... Guerre secrète contre les peuples a connu quand même un franc succès. Est-ce que vous êtes en train de préparer un autre ouvrage ? Non, parce que pour parler très poliment, je n'ai chié pendant 3 ans. Et là, j'assure les conférences et chaque conférence est différente, donc c'est un travail encore perpétuel. Mais là, pour écrire, je pense qu'il faut avoir faim, il faut avoir un sujet où on a envie d'aller jusqu'au bout. Et on ne sait pas, quand on s'engage dans l'écriture d'un truc, on ne sait pas si ça va durer 6 mois, 1 an, 3 ans. Et là, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup travaillé, beaucoup, beaucoup peiné. Parce que ce qu'on dit aux gens quand on les voit pendant 1 heure en conférence, c'est une synthèse de ce qu'on a appris. Mais déjà, on l'a reçu, il faut être capable de le recevoir. Et c'est extrêmement dur ce qu'on apprend sur ce qu'on est en train de nous faire. Et donc, c'est dur à encaisser, hein, même quand on écrit. Donc là, j'ai besoin de repos, quoi. J'ai besoin de penser à des plages avec le ciel bleu, tu vois. Mais je vais recommencer dans pas longtemps, justement pour un projet que m'a proposé Contre-Culture sur les thérapies alternatives du cancer. Mais pour l'instant, je me repose. Je ferai ça d'ici un mois, quoi. Alors, j'aurai de nouveau faim d'écrire. Eh bien, écoutez, Claire, c'est vrai qu'on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Ben, merci à vous et merci à tous, parce que c'est aussi important quand on a fait un travail d'être soutenu et qu'il y ait des gens qui aient des couilles dans ce pays et qui ne soient pas assujettis au politiquement correct. Jean-Marie, bonjour. Bonjour. Alors, c'est toi qui as organisé cette journée de signature des auteurs Contre-Culture. Comment s'est passée la journée ? Eh bien, belle surprise, puisqu'on n'attendait pas autant de monde et on a vraiment une belle, une belle présence. Il y avait, on a fait des centaines de participants. Et, combien d'entrées à peu près? On était autour de 300 personnes. Et, c'est beaucoup plus que d'habitude? Ah oui, c'est vraiment bien, quoi. Ça permet de juger un peu de l'intérêt que les gens portent toujours à notre cause et à ce qu'on fait. Et c'est rassurant, c'est très rassurant. Vous attendiez autant de monde ou On espérait faire un maximum, c'est sûr. Donc, en fait, pour nous, c'était aussi un test de tester un peu la popularité toujours de R et surtout d'Alain, de savoir si on était toujours aussi soutenu. Et effectivement, ça se valide sur le terrain, ça se valide. Donc aujourd'hui, on a une validation qu'effectivement, ce qu'on fait est toujours soutenu. On va toujours dans la bonne direction et qu'il y a toujours des gens pour nous soutenir. Et on a vu également beaucoup de militants aider à l'organisation de cette journée. En termes de militantisme, comment la section Île-de-France s'organise? Je veux dire, est-ce qu'il y a de plus en plus de militants là aussi? Oui, effectivement, on a un très bon noyau dur qui a très bien bossé aujourd'hui. D'ailleurs, je les remercie tous. Hein, c'est un grand coup de chapeau à eux parce que c'était pas évident. Il y a eu beaucoup d'affluence, tenir tous les postes, hein, la librairie, la vente de gâteaux, enfin, et puis gérer les dédicaces, gérer la scène, tout ça, gérer le son, tout ça, c'est pas évident à faire. Et tous ces gens bénévoles qui donnent un peu de leur temps et de leur sœur, aujourd'hui ont été récompensés par l'affluence. Donc une bonne organisation, je les remercie tous pour ça. Jean-Marie, merci beaucoup, bon courage pour la suite, à bientôt. Merci à vous. Sarah, bonsoir. Bonsoir Vincent. Alors on vous a rencontré donc au Théâtre de la Main d'Or, vous avez assisté à cette séance de dédicace d'édition Contre Culture. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette journée? Bah écoutez, j'ai passé une très belle après-midi. C'était très agréable d'approcher les auteurs Contre Culture. J'ai également rencontré des gens très agréables, très sympas et de tous bords. J'étais très surprise par la bonne ambiance de cet après-midi. Très loin donc des stéréotypes médiatiques. Exactement. Très loin des clichés en effet qu'on peut nous rabâcher sur les lecteurs et les internautes qui fréquentent le site par exemple Égalité et Réconciliation. Et absolument pas. Des gens très polis, très courtois, très galants, de la bonne humeur. Voilà, de la galanterie quand on faisait la queue, enfin c'était très agréable. D'accord, vous avez pu aussi échanger quelques mots avec les auteurs Contre Culture, ils étaient donc disponibles? Oui, ils étaient très disponibles. Personnellement, je ne l'ai pas fait car je suis timide et j'ai préféré faire signer mon livre et repartir. D'accord, bah écoutez Sarah, merci beaucoup et puis bonne soirée à vous. Bah, merci à vous Vincent et merci pour votre travail. Merci. Alain Soral, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Un mot de conclusion pour cette journée de dédicace Contre Culture? Une très très belle surprise. J'avais peur qu'à cause de toutes les condamnations et persécutions qu'on subit, il y ait une désaffection du public par la peur. Et en fait, ça a été plus plein que jamais. Non seulement beaucoup beaucoup de monde et plus que jamais, mais de gens de qualité, quoi. Il y avait... Il y avait vraiment que du beau monde et beaucoup de monde. Et je suis étonné et je suis rasséréné par cette journée. Voilà. Donc le combat continue, il ne fait même que commencer. Merci Alain Soral. Je vous en prie. Chers auditeurs, c'était les mots de la fin. Je vous rappelle que vous pouvez réagir en commentaire sur le site Égalité et Réconciliation. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Frank Dewaere. Son album Mes Semblables est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter L'Autre Même. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine. Donne tes lèvres à l'étonnateur, on t'oubliera jamais. Donne les coups de poing au compteur, on t'oubliera jamais. J'ai en moi-même un autre même qui clairement ne m'aime pas. Un genre de germe de mauvaises herbes qui se répand en moi. J'ai en moi-même mon anathème que les contraires n'étonnent pas. Qui me colle des swings à l'abdomen pour que je ne l'oublie pas. Pour faire sa vie sans moi. Il sa selle dans un duel. Dieu sait qui survivra. De tes lèvres, les donateurs, on t'oubliera jamais. Donne les coups de main au compteur, on t'oubliera jamais. De tes lèvres, les donateurs, on t'oubliera jamais. Donne les coups de main au compteur, on t'oubliera jamais. Donne tes lèvres, les donateurs, on t'oubliera jamais. Donne les coups de poing au compteur, on t'oubliera jamais. La la la la la la. Oui, toi et moi, c'est un dilemme que seule la mort résoudra. Y'aura pas l'ombre d'un happy end. Ensemble on coulera. Car au final, ça me ferait de la peine si tu n'existais pas. Il serait temps que j'en convienne. Mon autre même, c'est moi. De l'air à l'étonateur.